Bonsoir docteur. Bonsoir docteur. Voilà, je suis un vieux copain de vos filles. J'aurais voulu savoir ce qu'elles sont devenues parce que j'ai deux entrées gratuites. Je suis un fan du théâtre. Ah bon. Une avait 18 ans, une voix légendaire. Ah, elle sortait du rang, ah, on tombait par terre. Elle jouait du violon, composait des chansons. Si j'avais été musicien, mon être c'est le tien. Le docteur avait de jolies filles. Trois jolies filles avait le docteur Fong. Le docteur avait de jolies filles. Trois jolies filles avait le docteur Fong. Trois jolies filles avait le docteur Fong. L'autre avait 22 ans, n'habitait plus chez ses parents. Elle soignait les bobos dans la rue des Clodos. Elle soignait la misère, voulait sauver la terre entière. Si j'avais couché dehors, te quiero, mi amor. Le docteur avait de jolies filles. Trois jolies filles avait le docteur Fong. Le docteur avait de jolies filles. Trois jolies filles avait le docteur Fong. Trois jolies filles avait le docteur Fong. La dernière, 35 ans, le chemisier toujours blanc. La jupe plutôt mini, des jambes vraiment de folie. Des yeux très exotiques, ah mon Dieu, quelle physique. Si j'avais eu 35 ans, tu ne serais plus seul. Le docteur avait de jolies filles. Trois jolies filles avec le docteur Fong. Le docteur avait de jolies filles. Trois jolies filles avec le docteur Fong. Trois jolies filles avec le docteur Fong. Frustré pour toute la vie. Le docteur avait de jolies filles. Trois jolies filles.